Mwen san maman e mwen san papa, mwen pa gen se ti frèm yo tout piti. Mwen san maman e mwen san papa, mwen pa gen se ti frèm yo tout piti. Si malchance pou mwen vin tombe malade, mes amis sa ki pou kote msekou. Si malchance pou mwen mwen vin tombe malade, mes amis sa ki pou kote msekou. Menaj mwen kite mzami myo lachem, mwen sans affection di mwen sa pou m'père. Menaj mwen kite mzami myo lachem, mwen sans affection di mwen sa pou m'père. Se yon sol bagay bon Dieu ta souhaité, bonjour pour moi, ta va ouais maman ouais. C'est un seul bagaille, bon Dieu t'a souhaité. Bonjour pour moi, ta va ouais maman ouais. Ophélie, Ophélie, qui pague et famille. Oh, mon papa, mon courage. Bon Dieu, si mon la soulagé. Aïe, depuis moi tout petit, m'tende qu'un paradis. Yo dit m'gè l'enfer. Yo di mwen genyen purgatoire, mwen ta reme konnen kote yo ye. Ofele, ofele, ki pa ge fami, bon papa pran courage, bon Dieu si bon la soulaje pe nou. Prends courage, bon Dieu si bon la soulager peine nous. Ophélie, Ophélie, qui bague informé. Oh, mon papa, prends courage, bon Dieu si bon la soulager peine nous.